Chapitre 5. En Bavière. La baraque de prisonniers reconstituée est propre, aseptisée. Puis, il y a la prison avec les cellules de détenus, les fours crématoires, la salle de douche désinfectante suivie de la salle d'attente et de la chambre à gaz dont l'usage n'a pas été attesté. Regards figés, visage fermé, paroles suspendues pendant la visite. Klaus gratte sans arrêt sa main gauche, signe qu'il est mal à l'aise. Dehors, le silence des lieux semble avoir fait fuir les oiseaux eux-mêmes. Pourtant, la matinée est pleine de soleil. Les photos du musée, installées dans les anciennes cuisines et bâtiments communs, donnent une idée de l'enfer qu'on respire, dès le franchissement de l'énorme porte de fer. Je ne les décrirai pas. Gouffre et vertige. Dachau, le premier camp construit spécifiquement pour les prisonniers politiques. Comme on est loin de Dürer, Altdorfer, Cranach. Où sont Mozart et Beethoven, Schiller et Goethe, Heine et Hölderlin, Kant, Hegel, mais aussi Nietzsche et Marx? Le mal est bien là, mais n'est-il qu'une émanation naturelle de la culture allemande? Non, je n'en crois rien, mais ces images atroces m'obsèdent. Pourquoi ai-je insisté pour venir à Dachau, moi qui voulais aller vers le soleil et plus de gaieté? Klaus n'a pas dit non. Même si nous ne parlons jamais de la dictature nazie, il brûlait certainement lui aussi de voir de près la sombre réalité. Peut-on visiter l'Allemagne en faisant l'impasse sur les sinistres lieux que sont les camps de la mort? J'ai passé l'année à étudier l'instruction de Peter Weiss, dont les récits des victimes et des bourreaux me hantent. Je cherche à comprendre les raisons d'une barbarie aussi inouïe, méthodique, planifiée dans les moindres détails. Chambre à gaz. Pendant le déjeuner, dans une auberge du centre-ville de Dachau, je mange sans appétit une saucisse blanche grillée. Klaus, lui, profondément secoué, a le regard perdu au loin. Je crois que sa génération, non coupable évidemment, porte en elle des non-dits susceptibles de déclencher de terribles maux ultérieurs. De temps à autre, nous nous regardons droit dans les yeux, sans rien dire. L'Allemagne a été entraînée dans un cycle infernal d'atrocités. C'est un fait. Mais je pense aussi à nous, les Français, à nos conquêtes et à nos conquêtes coloniales qui ont martyrisé tant de peuples. Par-dessus la table, je lui tends la main et prends la sienne, qu'il m'abandonne longuement. Visite l'après-midi de l'ancienne pinacothèque, puis de la nouvelle pinacothèque à Munich. Il n'y a pas foule, donc on est d'autant plus proche des tableaux. On rêve en traversant les siècles. On imagine la ferveur intense de l'artiste dans son travail de création. L'art, expression la plus haute de l'humanité, qui redonne foi en la grandeur possible de l'homme, est parfois une pure jouissance. Klaus sait faire sentir, établir des liens entre les œuvres, les artistes et les siècles. C'est en artiste qu'il déchiffre la richesse d'une composition, met en évidence l'équilibre des couleurs et des formes, et explique les techniques employées au service d'une intention. J'aime le questionner pour aller plus loin dans l'analyse. Dans le domaine artistique, nous sommes presque toujours à l'unisson. En quittant les lieux, les images s'entrelacent pour former dans mon esprit une fresque mouvante, riche en émotions sublimes, d'où surnage un seul tableau, l'autoportrait de Dürer, dont le regard de face, tel celui du Christ auquel il s'est identifié, pénètre jusqu'au tréfonds de l'âme. Tiens, il pleut. Dans les larges avenues de la capitale bavaroise, la vie est triviale sous un ciel d'une tristesse incommensurable. Je me demande si le génie a quelque chance d'éclore et de ne pas mourir vite étouffé dans la fourmilière humaine, éternellement grouillante et bruyante des grandes villes modernes. Dans le tramway qui nous ramène vers le camping où nous avons laissé la voiture, je m'exclame sur la laideur des bâtiments administratifs, massifs et lourds. Une femme d'un certain âge qui m'entend me dit « Ils ne sont peut-être pas beaux, mais ils sont fonctionnels !» Fonctionnels, c'est en effet le mot qui convient. Aujourd'hui, on fait dans le fonctionnel, l'utile, l'immédiatement rentable. On ne prend plus le temps de faire du beau. Un sexagénaire, assis devant nous, lève sa chope à notre adresse. Nous hochons la tête en souriant. On a du mal à se faire entendre dans la salle immense où serveurs et serveuses en costume local slaloment au milieu d'une foule grouillante. Flonflon de la musique bavaroise, voix fortes et parfois tonitruantes, rires gras ou flûtés, verres qui s'entrechoquent, bruit de couverts sur les assiettes. Ici, dans le Hofbrauhaus à Munich, sous des volutes de fumée et des lustres imposants accrochés aux hautes voûtes peintes, on vend de la bonne humeur, de la détente, de la légèreté, de la chaleur humaine, ou du moins ce qui lui ressemble. On s'empiffre avec excès de cochonailles diverses, accompagnées de choux et de pommes de terre sous toutes les formes. On boit dans la démesure, en famille, avec des amis, des collègues, des inconnus d'ici et d'ailleurs. Aux tables des habitués sont assis des hommes à grosses benaines, disposant de leur propre chope qu'ils lavent eux-mêmes et rangent dans un casier cadenassé. Avec leurs chapeaux à plumes, leurs vestes en laudonne et leurs culottes de peau, ils ont l'air de sortir d'un livre d'images suranné. Dans cette atmosphère, bon enfant, l'homme, assis en face de nous, est engoncé dans une gabardine brune qu'il ne quitte pas, malgré la sueur perlant sur son front. On dirait un manteau d'épaisse solitude. Maigre, il a le visage anguleux et des mains épaisses et osseuses d'ouvrier. On échange moult sourires, on se dit des choses avec les yeux, puis, à un serveur auquel il fait signe, l'homme commande 3 chopes d'un litre pour nous et lui-même. Ludwig se présente à gros traits. Veuf, il vient de prendre sa retraite il y a peu. Un événement qu'il n'en finit pas de fêter à sa façon depuis quelques semaines déjà. Menuisier de formation, il fera peut-être encore à l'avenir de menus travaux chez les uns et les autres, car on ne perd pas le goût du bois du jour au lendemain. Le samedi soir, il s'ennuie ferme dans sa maison si vide du côté de Dachau et fréquente donc ce lieu qu'il sait toujours animé et joyeux. La cacophonie ambiante et le dialecte bavarois rendent les échanges chaotiques. « Vous avez visité le camp de concentration ?»« Oui, ce matin, » répond Klaus. L'homme s'essuie le front avec son mouchoir. « J'ai découvert cette abomination à mon retour de Russie en 1948. » Là-bas, c'était pas beau non plus, vous pouvez me croire. Partout, nous avons semé la mort. Et dire que la petite ville fait son beurre avec ce tourisme macabre maintenant. Elle devient même zone résidentielle pour les gens travaillant à Munich. Vous vous rendez compte? Partout, on construit sur des ruines et des cadavres, des gens regardant le bavarois et Klaus avaler leur chope d'un trait. La nuit avance, au milieu de chansons et de rengaines reprises en chœur, d'applaudissements, de mouvements de valse esquissés, de cris dissonants parfois. L'orchestre de la taverne s'en donne à cœur joie. Les visages se congestionnent, les ponces onflent à vue d'œil. On desserre les ceintures. Les allées et venues titubantes entre les toilettes et les chaises ne cessent pas. Le laisser-aller devient général et les femmes ne sont pas en reste. La discussion devient impossible. Ma tête tourne à la fin de la première chope. Dans mon enivrement triste, j'entends soudain les transoratoires du futur dictateur proclamant ici même la fondation du parti nazi devant plus d'un millier de personnes. Rugissements, vociférations hystériques, imprécations véhémentes, paroles haineuses éructées, le ton rauque, cogne, électrise, hypnotise. Les hurlements des capots là-bas au camp me martèlent à leur tour les tympans. Je me bouche les oreilles. Odeur de pourriture. Vision cauchemardesque, insoutenable. La connaissance du passé me rend la vie difficile. Klaus semble loin de tout ça et ingurgite vin blanc, vin rouge, bière, toujours au frais du bonhomme. Tout y passe à une cadence effrayante. Vers 2 heures du matin, les deux hommes, secoués par des crises de fou rire, ont du mal à tenir la tête droite. Tout autour, les barrières d'âge et de sexe sautent. Le culte rendu à Barkus efface les différences sociales. Comment rentrer au camping où nous avons laissé la voiture? Quand nous sortons de la brasserie, après des adieux au vieil homme dont les yeux s'emplissent de larmes, Munich dort. Klaus s'accroche à un réverbère, en proie au vertige. Je le traîne péniblement sur une pelouse proche, où il se vide le corps, puis je m'allonge sur un banc à proximité. Il tente de se relever, mais il retombe, et je suis là, à me demander quelle peut être la nature de ce plaisir qui se termine par une gueule de bois et la perte du contrôle de soi. Je ne sais comment m'orienter dans cette ville inconnue. Plusieurs heures s'écoulent ainsi entre vomissements douloureux et phases de délire. Assise sur le banc avec la tête de Klaus sur mes genoux, je frissonne, car la nuit est fraîche. Je crains aussi les silhouettes noires à la démarche peu assurée. Enfin, l'aube pointe. La journée promet d'être belle. Les oiseaux chantent à l'unisson. Tout à coup, Klaus se redresse, réfléchit longuement, puis pointe le doigt vers l'est. « C'est par là. Allons-y. Nous trouverons bien un bus. »« Demain, nous partons pour la Yougoslavie. Adieu l'Allemagne, une fois de plus. »